Lee Jun-sik, éditorialiste du journal Internet des Coréens aux États-Unis, Minsok Tongsin, a lancé un commentaire titré « Puissance réunifiée traduite à l'appel lancé à la nation coréenne ». Il y a applaudi l'appel de la réunification conjointe du gouvernement, des partis politiques et formations sociales de la République populaire démocratique de Corée, adressé à toute la nation coréenne pour appliquer le projet de réunification du pays avancé par le dirigeant suprême Kim Jong-un dans son message de nouvel an.